Hélène Ourgan, Maldonne. Lue par Sabine pour audiocité.net avec l'aimable autorisation de l'auteur. Chapitre 1. Le ciel s'obscurcit, l'orage menace, mais bizarrement Mathilde est sereine. Appliquée, le sourire aux lèvres, elle frotte avec un torchon de cuisine rose la lame tranchante d'une feuille de boucher. Elle ne craint pas l'orage. Elle se sent protégée dans cette ancienne ferme rénovée. Les murs de pierre sont épais. Mathilde en tire une impression d'invulnérabilité. Elle est heureuse à la campagne. Depuis qu'ils ont acheté cette jolie maison, plus rien ne vient perturber son quotidien paisible. Ses deux enfants ont fait leur vie. Tout semble aller bien pour eux. Son mari est gentil, travailleur, ambitieux. Seul point noir dans sa vie, d'ailleurs, car ses aspirations nécessitent qu'il s'investisse beaucoup dans son travail, et cela lui laisse moins de temps libre à passer en sa compagnie. Elle contemple le paysage par la fenêtre. En face d'elle, au faîte de la colline, sur le fond noir du ciel, un arbre étale sa couronne feuillue au milieu d'une clairière, dans une échancrure de la forêt. La forme que revêt cette déchirure du feuillage lui fait penser à un col de veste masculine. Un homme sans tête, en quelque sorte. « Ah, mais voilà, je la tiens, mon histoire !» Dans une obscure association d'idées, elle vient de trouver un thème pour le concours de nouvelles auquel elle veut participer. « Bonjour, chérie !» Elle sursaute et se retourne brusquement. C'est Jean, son mari. Il est arrivé sans bruit, comme à son habitude. Il aime bien surprendre, et l'émoi qu'il provoque l'amuse. À 55 ans, c'est toujours un bel homme. Grand, élancé, les cheveux grisonnants, certes, mais abondants. Il a toujours ce sourire de séducteur qui a charmé Mathilde à leur première rencontre au lycée, il y a 35 ans. Ils forment un couple contrasté, c'est incontestable. Mathilde est petite et rondouillarde, ses cheveux blonds sont coiffés en un chignon lâche. Elle a un teint opalescent qui fait penser à ses poupées anciennes, en porcelaine. Ses 54 ans sont à peine marqués par une flétrissure tendre de la peau et quelques fines rides au coin des yeux. Cette fraîcheur, elle la doit à sa vie protégée de femme au foyer, à ce confort dans lequel l'a installé son mari. « Quoi, t'es déjà là, à seulement 4 heures de l'après-midi, te voilà de retour ?»« Je sais, c'est pas habituel, mais j'ai une réunion ce soir, alors j'ai fini plus tôt pour me reposer. »« Encore ? Mais tu ne fais plus que ça. Enfin, je veux dire, tu fais beaucoup de réunions, et en plus, ça finit toujours tard. »« Ben, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Tu sais bien que le directeur va bientôt partir à la retraite. » C'est le moment ou jamais pour récupérer son poste. Il faut que je me place gagnant. » Mais la surprise de le voir déjà à la maison, son enthousiasme qu'elle veut partager, lui fait oublier les principes de la politesse et elle enchaîne sans le saluer d'aucune manière. « Tu sais, j'ai eu une idée pour la nouvelle que je veux écrire. »« Ah bon? Tu veux toujours faire ce concours que t'as trouvé dans ton magazine de bonne femme? Mais pourquoi pas? Si je gagnais, qu'est-ce que tu dirais, hein ?» Jean se met à rire. « Si tu gagnes, toi, on verra bien. »« Bon, en attendant, j'ai encore du café de ce midi. Viens t'asseoir, je vais te raconter mon idée pendant qu'on boit. » Mathilde se dirige vers la cafetière. Elle a gardé dans la main la feuille et le torchon et pose l'ensemble machinalement sur la table de la cuisine. Elle prend dans le placard 2 tasses d'un délicat rose nacré, la boîte de sucre en métal de la même couleur. Elle ouvre le tiroir pour attraper 2 petites cuillères. Elle a posé le tout sur la table, puis verse le café. Pendant des années, elle a cherché et rassemblé toute la vaisselle qu'elle a pu trouver, ancienne ou neuve, dans les tons de rose, sa couleur favorite. Elle y a adjoint une série de torchons roses trouvés récemment. Ils s'installent, chacun devant leur tasse de café, et elle commence à raconter à son mari cette idée qui lui trotte dans la tête. Jean est tout sourire. La perspective que sa femme puisse écrire une histoire l'amuse. Bon, voilà, c'est l'histoire d'une femme, comme moi, enfin, elle aurait le même âge, la 50aine, mariée, 2 enfants. C'est une biographie ou quoi? C'est ça ton idée? Il ricane. Mais non, arrête de rire. Son mari la trompe. Il a au moins eu 4 maîtresses successives. Il l'interrompt, devenu soudain sérieux. D'où tu sors ça? C'est quoi cette histoire? « Qui c'est qui t'a raconté ça ?»« Mais personne. J'ai pensé à ça tout à l'heure. »« Ça te plaît pas? C'est pas une bonne idée? » Jean fronce les sourcils. Il s'étonne, contrarié. « Comment elle a su ça? Elle est en train de me faire marcher. Elle veut me faire avouer à tous les coups. » « Non, je ne trouve pas. Et qui c'est qui lui a dit à ta bonne femme ?»« Oh, je pense que je vais dire que c'est une amie. Surtout, j'ai trouvé un prénom pour la dernière maîtresse du mari. Charlène, c'est pas joli ?» Jean sent la colère monter en lui. Il est tendu. Ça se confirme, elle sait. Elle n'a pas pu l'inventer, ce prénom. Il faut qu'on lui en ait parlé. Maintenant, reste à savoir qui. Il passe en revue ses collègues de travail, les amis. Si ça se trouve, c'est Luc, ou plutôt sa femme. Elle est bien capable de lui avoir dit qu'elle m'a vu avec Charlène. Mais comment elle sait pour les trois autres? Ah, il va entendre parler de moi, Luc. Plus question de l'inviter à la maison, celui-là. De quoi je me mêle? Maintenant, il faut rattraper le coup. Mathilde est lancée dans son histoire. Elle n'a pas remarqué le changement d'humeur de son mari, trop occupée à narrer les grandes lignes de son intrigue. Et bien sûr, ça finit par un meurtre. Elle peut pas supporter cette trahison. Tu te rends compte, l'abandonner avec ses enfants. Bon, je sais, ils sont grands, mais c'est une trahison quand même. Je verrai bien une complicité entre cette femme et ses enfants pour éliminer le mari infidèle. Ça serait drôle si je parlais de mon idée aux enfants. Tu ne trouves pas, Jean ? Jean n'a pas écouté Mathilde. Il n'aperçut que les dernières phrases. Bon, ça suffit, tu m'embêtes avec ton histoire. Il est passé de la colère à l'inquiétude. « C'est pas possible, ça va finir mal pour moi. Qu'est-ce qu'elle a comme idée dans la tête ?» Sur son front perle la sueur. Est-ce la peur ou la chaleur précédant l'orage ? Son regard tombe sur la feuille de boucher posée sur le torchon rose. Il trône entre Mathilde et lui. Le premier éclair zèbre le ciel et la pluie commence à tomber à flots. Mathilde s'est levée, les tasses de café à la main. Elle tourne le dos à Jean pour ouvrir le lave-vaisselle. Pendant qu'elle tire le panier pour y déposer les deux tasses et les petites cuillères, Jean se lève tout doucement, se saisit de la feuille, fait un pas silencieusement vers Mathilde, et au moment où le premier grondement du tonnerre retentit, il lui assène un premier coup de lame sur le crâne, juste quand elle repoussait le panier dans la machine. Elle s'écroule, sa tête tombe sur la porte ouverte du lave-vaisselle. Le sang, de la cervelle, ont giclé autour. Il abaisse à nouveau la feuille pour lui porter un dernier coup, afin d'être certain, s'il en était besoin, qu'elle soit morte. Puis il contemple la scène, perplexe. Il cherche du regard quelque chose pour essuyer les taches qui émaillent le devant du lave-vaisselle et le sol. Il attrape le torchon rose, essuie ce qu'il peut, puis enveloppe grossièrement le crâne de Mathilde. Ensuite, il entoure de ses bras le torse pour soulever le corps et le dépose sur le sol. Il introduit le liquide de lavage dans le lave-vaisselle, dépose la feuille de boucher dans le panier, referme et le met en route. Ben voilà, une femme trompée de moins. De toute façon, j'avais pas le choix, c'était elle ou moi. Bon, faut éliminer les gêneurs. Il va dans le salon, se dirige vers le téléphone, compose un numéro. Allô, Luc ? « Bonjour, ça va bien ? Dis donc, ça te dirait de venir manger un morceau à la maison ce soir ? Oui, avec ta femme. Je voudrais faire une surprise à Mathilde. J'ai besoin de vous, faut que je vous explique. Non, elle n'est pas là, elle est partie pour quelques jours chez sa mère. Non, rien de grave. Comme ça, j'ai le temps de tout préparer, c'est pour son anniversaire. Bon, je compte sur vous, et tu gardes ça pour toi, hein ?» Puis il retourne à la cuisine. Il contemple le cadavre de Mathilde en écoutant le ronron du lave-vaisselle. Il faut qu'il trouve une solution afin de se débarrasser du corps rapidement pour ce soir. Le congélateur, mais bien sûr. Elle n'est pas bien grande, ça devrait rentrer. Jean s'active, place le corps de Mathilde dans le congélateur. Il peine un peu. Elle est petite, mais plutôt lourde. Il traque la moindre petite tache de sang sur les meubles de la cuisine, lave le sol. Cette dernière corvée lui paraît plus compliquée. Il n'a jamais manié le balai serpillière et le seau, et quoi mettre comme détergent. Une fois ses travaux terminés, il s'installe confortablement dans un des fauteuils du salon, un verre de cognac à la main. Il contemple la belle couleur acajou du cognac XO. Il fume le parfum de safran, de bois de cèdre et la petite touche fruitée qui s'en dégage. L'orage se poursuit, les éclairs se succèdent rapidement, la pluie tambourine sur le toit, les vitres, le bruit se mêle à celui du tonnerre. Mais il reste imperturbable, il semble ne rien entendre. Jean pense à Mathilde. Il se souvient de cette jeune fille fragile et diaphane qu'il a eu envie de protéger au premier regard. C'était son premier amour, et passer sa vie à ses côtés lui semblait une évidence. Elle l'aimait d'un amour béat, docile. Il ne se souvient pas d'un conflit grave entre eux. Elle finissait toujours par s'arranger de ses désirs, de ses décisions. Les enfants sont arrivés, mais rien n'entachait la tranquillité de Jean. Il n'avait aucune préoccupation, son ambition professionnelle, toujours mieux, toujours plus, de quoi s'offrir ce confort matériel devenu si indispensable. Mais voilà, cette vie sans aspérité a fini par lui peser. La jeune Mathilde a laissé place, au fil du temps, à cette femme, certes encore jolie, mais tellement moins désirable de son point de vue. Il a fini par se lasser de cet amour dévot. Vers la quarantaine, il s'est mis progressivement à s'intéresser à des femmes plus jeunes, plus dynamiques, plus exigeantes. Son appétit sexuel semblait augmenter, parallèlement à son ascension professionnelle. Il s'est alors mis à mener une double vie, avec la certitude que cela pourrait continuer toujours. D'un côté les maîtresses, les distractions, la fête, et de l'autre cette maison pénible, immuable, où il fait bon se reposer. Bon sang, si elle n'avait rien su, elle me complique bien la vie. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu lui raconter? Maintenant, il faut que je trouve un plan pour les deux autres, et à moi la belle vie, avec Charlène, bien sûr, trop jolie pour laisser tomber. Ah, je te dis, je vais lui en mettre après ça. Elle va s'en souvenir de sa nuit, la petite. La fatigue commence à le gagner. Il a moins le temps de dormir ces temps-ci. Sa vie est trop remplie. Charlène aime sortir, et puis elle est insatiable. Les derniers événements qu'il vient de vivre l'ont achevé. Après avoir bu son cognac, ses yeux se ferment irrésistiblement, malgré le boucan extérieur. Ses dernières pensées avant de s'endormir sont pour Charlène. Il songe à ses fesses fermées douces, ses seins, son ventre, sa bouche. Tout à l'heure, elle va voir, je vais... On pourrait croire qu'il fait nuit, tellement le ciel est sombre. Tout est silencieux, pourtant les éclairs continuent à zébrer le ciel. Il les voit à travers les fenêtres. Jean se lève, se dirige vers la cuisine. Il a un sursaut d'horreur. Mathilde est debout, le crâne fendu, du sang séché sur le visage, dans le cou, et sur son joli caraco rose bonbon en dentelle. Elle sourit, elle lui parle. « Tout va bien, chérie. Ne t'inquiète pas, je pourrai l'écrire. » Il veut crier, mais il n'y parvient pas. Il ne peut pas non plus quitter cette scène insupportable. Tout à coup, un bruit strident lui vrille les oreilles, pénètre son cerveau. Puis il cesse et recommence. À la troisième fois, il ouvre les yeux. C'est la sonnette. C'est un cauchemar. Il regarde le verre de cognac vide, se redresse brusquement du fauteuil. Il lit sur sa montre 19h30. Dehors, l'orage s'est éloigné. On n'entend plus que de vagues grondements dans le lointain. « Merde, c'est eux, j'ai dormi, j'ai réfléchi à rien. La feuille. Bon, faut que j'improvise. » Il se lève, se dirige vers la porte d'entrée. Il est mal réveillé. Il ouvre brusquement la porte. Luc s'exclame. « Salut, vieux. Bah, dis donc, t'as pas l'air en forme. »« Non, je dormais. » Véronique, la femme de Luc, lui sourit. Elle est vêtue comme à son habitude, une jupe courte et trop serrée qui met en évidence ses cuisses trop rondes. Un t-shirt trop étroit laisse voir le repli de graisse au-dessus de la ceinture de la jupe. Les cheveux longs, bruns, paraissent mal coiffés. « Entrez, entrez, installez-vous dans le salon, je vais vous servir l'apéro. Mais il faut que j'aille voir dans le congèle le... si Mathilde a des conserves. J'ai rien préparé et je ne suis pas douée pour la cuisine. Je file. » Il se dirige vers la cuisine, ouvre le lave-vaisselle, prend la feuille de boucher et part dans le cellier. Il pose la feuille sur une étagère, puis il revient au salon. « Dites donc, Luc, il faut que je te montre mon dispositif pour la surprise à Mathilde. Tu viens voir ?»« T'as de la suite dans les idées, toi. On peut pas boire l'apéro avant. »« Non, non, comme ça on pourra discuter tranquillement après. Et Véro a son rôle aussi. Luc se lève et suit Jean dans le cellier. Jean s'efface pour le laisser passer. Tiens, regarde, dans le coin derrière le placard. Pendant que Luc s'avance et se penche, Jean, avec son silence légendaire, attrape la feuille et assène un coup sur le crâne de Luc. Celui-ci s'écroule, répandant son sang et sa cervelle sur le sol. Bon à l'autre maintenant. Il tire le corps de Luc afin qu'il soit demi-caché par le placard. Véro, à ton tour maintenant. Elle lui répond d'un ton joyeux. Oui, j'arrive, vous êtes où? Dans le cellier. Jean s'est caché derrière la porte du cellier. Quand Véronique entre, la feuille s'abat encore une fois. Elle n'a pas eu le temps de comprendre ce qui était arrivé à Luc. Enfin tranquille pour ce soir. Jean lave soigneusement la feuille de boucher, l'essuie avec un torchon rose propre et la range dans le tiroir des couteaux. Il a fermé la porte du cellier. Il monte pour se doucher et se changer. Ce soir, il va retrouver Charlène, ses 25 ans et son caractère acidulé. Elle sait ce qu'elle veut et il est heureux de se soumettre à ses désirs.